fait quelques pas, je ne suis plus là. Tu crois en moi, mais tu ne sais pas que sous ma loi, tu périras. Ne tremble pas, ne t'accroche pas. Une dernière fois, ne m'appelle pas.